Saura-t-on un jour ? Oui. 27 ans après, saura-t-on comment Robert Boulin, ministre de la République, est mort ? Et s'il a été assassiné, qui l'a tué et pourquoi ? Un rappel d'abord. En 1979, moins de 2 ans avant la prochaine élection présidentielle, le gouvernement de Raymond Barre est au plus bas dans les sondages. Le président Giscard d'Estaing envisage très sérieusement de changer de Premier ministre. Et Robert Boulin, ministre du Travail, fait partie du tout petit cercle d'hommes politiques susceptibles d'être appelés à l'hôtel Matignon. Gaulliste historique, ancien résistant, c'est un personnage consensuel, même si ce membre du RPR a gardé ses distances avec Jacques Chirac, à qui il reproche d'avoir trahi Chaban-Delmas en 1974. Pour Giscard d'Estaing, c'est plutôt un atout, car le président sait qu'il trouvera Chirac sur son chemin en 1981. Enfin, et surtout, Boulin est un honnête homme qui a la réputation d'être un gros travailleur. C'est alors qu'à l'été 1979, le ministre est victime d'une véritable manipulation, une petite affaire immobilière dans laquelle sa bonne foi a été abusée. Boulin a beau se défendre comme un beau diable, il est pris dans la nasse. Encore quelques semaines, et l'on retrouve son corps dans un étang de la forêt de Rambouillet. Aussitôt, précipitamment même, la thèse du suicide est évoquée. Le ministre n'a pas supporté que l'on mette en cause son intégrité. Et après avoir ingurgité du Valium, il s'est noyé. La messe est dite. Jamais les autorités judiciaires ne remettront en cause cette thèse, alors même qu'au fil du temps, on ne va cesser de découvrir des anomalies, des incohérences et même des trucages, à commencer par ceci. Comment peut-on se suicider dans 60 cm d'eau ? Et pourquoi n'a-t-on trouvé nulle trace de Valium dans l'estomac du ministre, mais seulement dans son sang ? Comme si Robert Boulin s'était fait une injection avant d'entrer dans l'étang. Mon confrère Benoît Colomba, grand reporter à France Inter, a enquêté pendant 4 ans sur cette affaire. Il en a tiré un livre magistral, « Un homme à abattre ». Après l'avoir lu, on ne peut plus croire sérieusement à la thèse du suicide. C'est l'avis de M. X avec lequel je m'étais déjà entretenu de ce dossier il y a tout juste 10 ans. Voyez-vous, moi c'est tout au début des années 80 que j'ai définitivement compris que Robert Boulin ne pouvait pas s'être suicidé. Mais pourquoi alors ? À cause des photos. Les photos du corps ? Oui, des photos prises lors de la découverte de la dépouille du ministre et que, notez-le bien, la justice a longtemps caché à la famille, à tel point que l'avocat des Boulins a dû batailler pour les obtenir. Si je me souviens, c'était Robert Badinter. Alors, qu'est-ce qu'on y voit, là ? Le visage d'un homme qui, manifestement, a été tabassé. Enfin, je vous passe les détails, mais sur ces photos, le pauvre Boulin est méconnaissable. Attendez, mais la famille a vu le corps ? C'est exact. Mais entre le moment où le ministre a été découvert dans un étang de la forêt de Rambouillet et celui où les proches ont pu le voir, il y a eu une petite manipulation. C'est-à-dire ? Eh bien, à l'Institut médico-légal, il a été procédé à des soins de thanatopraxie et d'embaumement. Alors, pour masquer les traces de coups ? C'est évident. Il fallait éviter que la famille ne se pose des questions. Une famille qui, d'ailleurs, n'a pas été consultée avant que l'on prodigue ses soins au cadavre, alors que la loi le prévoit expressément. Et pourtant, ce maquillage n'avait pas tout effacé. Tenez, j'ai lu assez récemment un livre de Jean Mauriac, L'après de Gaulle. Le fils de Mauriac. Oui. L'auteur est un témoin digne de foi qui était ami avec Boulin. C'est pourquoi il a pu voir le corps au domicile des ministres. Et il écrit que le visage du ministre était violacé et tuméfié. Alors la famille aurait pu s'interroger ? Certes. Mais est-ce que dans ces moments-là, on est parfaitement lucide ? Et puis, il y avait la version officielle, une version assénée, si je puis dire. C'était un suicide. Et dès le milieu de la matinée, ce 30 octobre, alors que le corps a été découvert en principe 2 heures plus tôt, une dépêche AFP annonce que le ministre s'est suicidé au barbiturique, ce que confirme un peu plus tard le procureur de Versailles. Pourtant, aucun médecin n'a encore examiné la dépouille de Boulin. Et puis il y a eu une autopsie qui confirmait cette version. Une très curieuse autopsie. Pourquoi, là ? Parce qu'elle a été bâclée. Mais il faut dire qu'il y avait des ordres supérieurs. Ah, il faut expliquer, hein. Le procureur, encore lui, ordonne qu'aucune autopsie du crâne ne soit pratiquée, ce qui ne l'empêchera pas de dire à la veuve qui s'étonnait de voir le visage de son mari aussi meurtri que c'était une des conséquences de l'autopsie. Ah, c'est un mensonge. Par contre, ce même procureur demande que des recherches d'éventuels projectiles soient effectuées. Recherche vaine, bien entendu. Hein. Oui, oui, en revanche, ordre du procureur ou pas, des recherches indispensables sont négligées. Alors, donnez-moi les exemples. Oh, ben, ils sont nombreux. Dans le cas d'une noyade, volontaire ou pas, l'examen des poumons est absolument nécessaire. Mais parce que si on trouve de l'eau dans les poumons, on est certain que la victime était vivante lorsqu'elle a justement pénétré dans cette eau. Hein. Et puis, il faut aussi pratiquer une analyse de cette eau et rechercher si elle contient de minuscules algues microscopiques. Oui, les diatobéas, des algues qui ont un squelette de silice. C'est ça. Donc, on peut les retrouver même très longtemps après la mort. Et en les comparant à celles qui colonisent une eau de référence, celle de l'étang, de Rambouillet en l'occurrence, on peut établir de façon formelle que la victime s'est bien noyée, là. Cet examen n'a donc pas été fait. Et ne sera jamais fait. Vous connaissez l'histoire. Bon, je crois, oui, mais allez-y, je vous écoute, là. Le médecin légiste, s'il n'a pas pratiqué d'examen anatomopathologique des poumons, a quand même pris soin de faire des prélèvements. Deux. Exactement. En vue d'une éventuelle analyse ultérieure. Mais ces prélèvements auront, si j'ose dire, un curieux destin. Le premier sera enterré au cimetière de Thiers, là où on enfouit traditionnellement ce genre de reste. Question. Qui a ordonné cet enfouissement? Mystère. Et quand la famille demandera que l'on fasse des recherches dans la terre du cimetière afin de retrouver le bocal, on objectera qu'une stèle à la mémoire des donneurs d'organes a justement été édifiée à cet endroit. Ah ouais, alors il faudrait casser la stèle. Et ça coûterait très cher. Mais la famille et son défenseur insistent. Et on découvre que cette histoire de stèle est une fable. Alors ils obtiennent enfin du juge d'instruction la décision de creuser. Mais un commissaire à moitié goguenard les prévient, vous ne retrouverez rien. Et effectivement, on ne retrouve pas le bocal, jamais. Bien entendu. Deux prélèvements, le deuxième là. C'est encore plus extraordinaire. En 1980, le professeur Le Breton, chef du laboratoire de toxicologie de la préfecture de Paris, constate que des flacons contenant des échantillons du sang de Robert Boulin ont disparu. Volés ? Vraisemblablement. Volés et détruits. Restent les prélèvements de poumons, ce que les légistes appellent les échantillons bis. Prudemment, le professeur les place dans un réfrigérateur dont il cadenasse la porte. Mais des années plus tard, alors qu'on évoquera la nécessité de pratiquer de nouvelles expertises, on s'apercevra que la porte du réfrigérateur a été fracturée. Et que les bocaux ne sont plus là. Bah évidemment. Et on ne saura jamais exactement dans quelles conditions ils ont disparu. Ouais. Mais comme on ne saura donc jamais si Boulin s'est réellement noyé dans cet étang. Mais je voudrais revenir un peu en arrière, là. L'autopsie, m'avez-vous dit, a été bâclée. Alors, y a-t-il eu aussi d'autres négligences? Bien sûr. Des organes tels que le pharynx, le larynx et la langue du ministre ont été enlevés. Mais ils n'ont pas fait l'objet d'analyse et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Décidément. Autre anomalie. Il est d'usage, lors d'une mort suspecte, de pratiquer sur le corps ce que les spécialistes appellent des crevés. Ah oui, ça c'est des incisions au scalpel. Afin de trouver d'éventuels hématomes ou des traces de piqûres. Et dans le cas de Robert Boulin, étant donné l'état de son visage, ça s'imposait. Eh bien, ça n'a pas été fait. Et personne non plus ne s'est interrogé sur la présence, à la limite du poignet et de l'avant-bras droit du ministre, d'une entaille. Entaille qu'il n'avait pas la veille de sa mort, selon le témoignage de son kiné personnel. Et cette entaille-là, ça pourrait être la marque d'un lien? Ça y fait penser, en tout cas. Et puis, j'en terminerai là, au moins provisoirement, il y a les analyses toxicologiques. Une précision auparavant. Les autorités judiciaires ont tout de suite parlé d'une intoxication barbiturique. Or, le Valium n'appartient pas à cette catégorie de médicaments. C'est un antidépressif qui peut, à la rigueur, altérer la vigilance. Mais les spécialistes estiment que même en prenant des doses importantes, il est pratiquement impossible de se suicider avec ce seul médicament. En outre, son principe actif, le diazépam, a un effet désinhibiteur et anxiolytique. Après en avoir incurgité, on n'a plus très envie de se suicider. Exactement. Et puis il faut aussi tenir compte de la saison. Robert Boulin est mort fin octobre, je vous le rappelle. La fraîcheur de l'eau aurait sans doute eu raison d'un éventuel état de somnolence provoqué par l'ingestion du médicament. Ouais, pure supposition. Hein. Non, c'est un avis donné par les toxicologues. Ouais, mais alors, profondément endormi, il aurait pu tomber dans l'eau et se noyer. Alors pourquoi l'a-t-on retrouvé bouche fermée? Quand on se noie, on ouvre la bouche par pur réflexe. Mais bon, j'en termine avec ces spéculations. Et j'ajoute seulement un dernier point très important. Le valium a été retrouvé dans le sang et les viscères du ministre, et pas dans son estomac. Ça voudrait donc dire que Boulin se serait fait une piqûre avant d'entrer dans l'eau. C'est parfaitement ridicule. On n'a trouvé nulle seringue et pas même une boîte de médicaments dans sa voiture ou à proximité. Mais alors votre conclusion, là ? Au vu de toutes ces étranges anomalies, il apparaît certain que Robert Boulin, après avoir été battu, a été jeté dans l'étang. Tenez, un dernier détail. Pourquoi les chaussures et le bas du pantalon du ministre ne portaient pas de traces de boue ? Alors que, en cas de suicide, il aurait dû marcher sur le fond vaseux de l'étang pendant plusieurs mètres, avant d'atteindre ses 60 cm de profondeur, là où son cadavre a été retrouvé. Encore un mot sur cette autopsie bâclée. Je l'ai trouvée dans le livre de Benoît Colombat déjà cité. Le corps de Robert Boulin a été déplacé. Une constatation médico-légale en apporte la preuve, la position des lividités cadavériques. De quoi s'agit-il ? Dans les heures qui suivent la mort, le sang afflue mécaniquement vers les parties basses du corps sous l'influence de la pesanteur. Des marbrures de couleur lilas se forment. Elles atteignent leur intensité maximale entre 12 heures et 15 heures après le décès. Il est donc possible de visualiser dans quelle position se trouve une personne au moment de sa mort. Dans le premier rapport d'autopsie, les docteurs Bailly et de Ponge décrivent le siège des lividités au niveau de la face postérieure du corps, c'est-à-dire sur le dos. Or, Boulin a été retrouvé face contre le sol de l'étang dans la position du musulman qui prie. Les lividités cadavériques auraient logiquement dû se trouver sur le ventre, le thorax, la face et les membres inférieurs. La position des lividités cadavériques sur le dos indique donc que le corps est resté dos au sol avant d'être transporté puis placé dans l'étang. Le livre de Colombat, Un homme à battre, est paru chez Fayard. Après le premier moment d'abattement, les proches de Robert Boulin et surtout ses deux enfants ont commencé à se poser des questions sur la mort de leur père. Et d'abord parce que le suicide ne lui ressemblait pas. Oui, c'était plutôt un battant, hein. Il se serait certainement assez vite dépêtré de cette vilaine affaire qu'on essayait de lui coller sur le dos. D'ailleurs, il avait déjà préparé sa défense, un long texte qu'il avait écrit le week-end précédent et qu'il comptait envoyer aux journaux. Mmh. Et dans cette affaire-là, c'était qui ? Des personnalités gaullistes, c'est certain. Et particulièrement un homme politique qui aspirait lui aussi à devenir le futur Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Un concurrent, quoi. Et si vous voulez son nom, il vous suffit de reprendre la presse de l'époque. Ouais, je vois, oui. Et c'est lui, alors, qui a concouru à colporter cette malheureuse affaire destinée à salir l'honneur de Robert Boulin ? Mais qui, c'est en tout cas ma conviction, n'était pas susceptible de pousser le ministre à en finir avec la vie. Pourquoi ? Pas suffisamment grave. Quoi. D'autant même si nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails que dans cette affaire, c'est Boulin qui a été victime d'une escroquerie. Mais revenons à ce que je disais. Les enfants doutent et ils sont décidés à tout mettre en œuvre pour obtenir la vérité. Et Madame Boulin, la veuve ? Elle est plus circonspecte. Non pas qu'elle croit à la version du suicide, mais je pense qu'elle a été menacée et qu'elle a pensé avant tout, au moins dans un premier temps, à protéger ses enfants. Mais d'accord. Mais pas de preuves. Bon, alors parlons d'intuition. Les enfants Boulin et leur défenseur, le célébrissime Jacques Vergès... Qui a succédé à Benintendé. Ouais, ...sont persuadés que l'autopsie a été bâclée et que rien n'explique vraiment les tuméfactions du visage du ministre. Même si les magistrats et les policiers qui se sont occupés de l'affaire ont fait preuve de la plus grande imagination. Par exemple, on a prétendu qu'en sortant le corps de l'eau, le visage de Boulin aurait heurté un rocher. Or, dans le fond de l'étang, il n'y a ni rocher, ni même le moindre caillou. En plus, les saignements de nez n'ont pu être provoqués qu'avant la mort. Autre argument farfelu. Le corps aurait pu être ballotté au gré de la flottaison. Mais cet étang est particulièrement calme et seules les grenouilles peuvent à la rigueur provoquer des remous. Alors, on a parlé des animaux sauvages qui, en venant se désaltérer, auraient pu heurter le corps. Ça me paraît complètement absurde. Et vous avez parfaitement raison. Alors les Boulins ont demandé une seconde autopsie. Et ils ont tenu l'exhumation du corps de leur père en 1983. 4 ans après, donc. Hein. Et ce sont 3 médecins légistes bordelais qui vont effectuer la deuxième autopsie. Les conclusions, disons-le tout de suite, sont un peu alambiquées. Exactement comme si ces praticiens avait hésité à mettre en cause la vérité officielle. Il n'empêche qu'ils font d'importantes découvertes. D'abord, ils constatent que le corps a subi un embaumement clandestin, qui l'a littéralement momifié. Ensuite, en l'absence de toute étude anatomopathologique des poumons, ils ne peuvent se prononcer sur la noyade. Mais ils écrivent néanmoins que cette hypothèse reste acceptable. C'est bizarre, et enfin ils ne veulent pas s'engager, quoi. Ça. Cependant, ils font une découverte capitale en radiographiant le cadavre. Ils trouvent, en effet, deux fractures faciales, l'une sur un os du nez, l'autre sur un maxillaire. Est-ce qu'il accrédite la thèse du tabassage, là, hein? Mais toujours prudent, ces experts n'excluent pas un choc direct sur une substance dure et contendante. Seule certitude, ces traumatismes ont eu lieu du vivant du ministre. Mais ils ne sont pas la cause de la mort. Alors tout reste possible. En tout cas, cela prouve qu'on n'avait pas pratiqué de radiographie lors de la première autopsie, hein? Ah, détrompez-vous. Le cadavre a été radiographié puisque le procureur voulait qu'on recherche d'éventuelles traces de projectiles. Mais personne n'a jamais pu remettre la main sur ces radios. Et surtout, bien sûr, pas les avocats des Boulins. C'est de plus en plus bizarre, hein. Et plus tard, beaucoup plus tard, un agent de la morgue qui a assisté à l'autopsie et transporté le corps révélera à votre confrère Colomba qu'il a pour sa part observé un hématome derrière le crâne du cadavre. Exactement comme si quelqu'un avait assommé le ministre. Cette observation ne figure pas dans le rapport d'autopsie. Explication, alors ? Les médecins légistes ont peut-être agi par solidarité professionnelle, pour ne pas entrer en opposition avec leurs confrères parisiens de la première autopsie. Mais je n'en sais pas plus. Si on avait autopsié le crâne, on aurait certainement trouvé une trace de ce coup. Certes, mais rappelez-vous, le procureur a interdit cet examen. Alors, nanti du rapport des médecins bordelais, Jacques Vergès n'a pas hésité à proclamer que Robert Boulin avait été victime d'un assassinat pour raison d'État. Oui, ça lui ressemble, en effet. Alors, pour ma part, hein, j'ai réécouté l'entretien que nous avions eu il y a une dizaine d'années. Vous, vous écartiez à la fois le suicide et l'assassinat. Alors, je vous propose un extrait de notre dialogue de l'époque. Réfléchissez. Il y a une troisième solution, celle de l'accident. Je comprends pas, là. Monsieur, représentez-vous la scène. Boulin a rendez-vous quelque part en forêt avec ces mystérieux personnages qui ont monté cette manipulation contre lui. Ouais, les terrains dramatiques. Oui, hein, mais Boulin les met tout de suite en garde. Attention, moi aussi j'ai des munitions. Les dossiers qu'il détient. Bien sûr. Assez vite, la discussion dégénère, on s'affronte, et pas seulement à coup d'arguments. Robert Boulin se débat, il essaye de s'échapper, et soudain c'est l'accident. Il tombe lourdement. Chute mortelle. Ensuite, après ce malheureux accident, il restera à ses distingués personnages de faire en sorte que la mort de Robert Boulin ait toutes les apparences d'un suicide. Alors, vous croyez toujours à cette version, hein ? Remarquez d'abord qu'elle n'est pas incompatible avec toutes les observations que je viens de vous relater. Mais je dois le reconnaître, hein. Et si j'hésite toujours entre la thèse de l'assassinat et celle de l'accident... C'est-à-dire l'homicide involontaire, hein. Vous êtes têtu quand même, hein. Oui. Donc si j'hésite, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'improvisation dans cette affaire. Il faut m'expliquer ça. Le problème qui se pose aux agresseurs du ministre, c'est de transformer le plus rapidement possible la mort de Boulin en acte suicidaire. Bon, laissons de côté pour le moment la question des lettres prétendument écrites par le ministre. Et voyons uniquement ce qui se passe ce jour-là dans la forêt d'Ambouillet. Ces agresseurs ont commis de nombreuses fautes. Et s'il y avait eu une enquête sérieuse, la thèse du suicide aurait été immédiatement mise en cause. L'absence de boîte de Valium, l'état des chaussures incompatibles avec une marche dans les tambans, et j'en passe. Mais peut-être que ces agresseurs, comme vous dites, savaient d'emblée qu'il n'y aurait pas d'enquête sérieuse. En effet. Il y avait ce procureur qui a tout fait pour paralyser l'enquête. Un homme qui, c'était de notoriété publique, entretenait les meilleures relations du monde avec les milieux troubles du gaullisme. Ah, le sac. Exactement. Ouais. Là, vous donnez une piste, hein. J'y reviendrai. Mais je poursuis ma démonstration. Réfléchissez. Quand on veut vraiment assassiner quelqu'un, on n'a pas besoin de le tabasser préalablement. Sauf si, avant de le tuer, on veut le faire parler. Ah bah, ça, c'est autre chose. Et pour tout vous dire, c'est le point qui me trouble. Et reconnaissez que dans notre précédent entretien, j'évoquais déjà cette question. Ce que vous appeliez les munitions, là. Oui, les munitions que détenait Robert Boulin, oui. Des documents que les hommes avec lesquels il avait rendez-vous voulaient absolument récupérer. Alors c'est vrai, s'ils ont essuyé un refus, ou si le ministre les a menacés, ils ont pu, après l'avoir malmené, décider de passer à l'acte et donc de le supprimer. Dans la suite de cet entretien, nous allons bien sûr évoquer ces mystérieux dossiers qu'aurait possédé Robert Boulin. Récemment, le journaliste Jean Mauriac, longtemps accrédité à l'Élysée et très proche d'importantes personnalités gaullistes, a accordé une interview à Rue 89, un quotidien diffusé sur Internet. J'en ai extrait quelques lignes et il faut ajouter que Mauriac, comme M. X l'a relaté, a pu voir la dépouille de Boulin et son visage tuméfié, violacé, méconnaissable. Cela a provoqué chez moi une grande curiosité. Et puis j'ai fait une petite enquête auprès de l'entourage. Son chauffeur notamment m'a dit « c'était un battant, jamais il n'aurait fait ça ». À Libourne, au moment des obsèques, pas une seule personne ne m'a dit le contraire. Parmi les gens qui connaissaient Boulin, personne ne croyait au suicide. Dès lors, je n'ai cessé de me poser des questions. Plus tard, je suis passé à la certitude de l'assassinat. En fait, deux personnes m'ont assuré de l'assassinat de Robert Boulin, Michel Jobert et Olivier Guichard. Quand un homme aussi au courant des affaires policières et des arcanes du pouvoir qu'Olivier Guichard vous dit cela, cela ne laisse pas indifférent. Michel Jobert, lui, se basait sur la politique. Il disait que Robert Boulin faisait peur. Pourquoi ? Parce qu'il en savait trop sur le financement du RPR, en particulier par le biais de Saddam Hussein, d'où les excellentes relations de Chirac avec Saddam Hussein. C'est ce que m'a dit Jobert. Dans le financement du RPR, il y a aussi Bongo et le Gabon. Je vous rappelle que Jean Mauriac est aussi l'auteur d'un ouvrage très savoureux et qui fourmille d'informations inédites, « L'après de Gaulle » paru chez Fayard. Avant de parler des dossiers, un mot sur les lettres reçues par un certain nombre de destinataires, amis, avocats, agences de presse, lettres où Robert Boulin annonçait son intention de se suicider. Des lettres étranges, hein ? Très étranges, oui, je vous explique. D'abord, toutes ces lettres sont des photocopies où figurent parfois quelques mentions manuscrites. Et la signature, bien sûr. Elles commencent par une phrase dactylographiée. « J'ai décidé de mettre fin à mes jours ». Puis elles finissent généralement par un petit mot personnel. Et entre les deux, qu'y a-t-il ? La défense de Boulin, dans l'affaire immobilière où il est mis en cause tel qu'il vient de la rédiger et qu'il a d'ailleurs lu à sa famille. Alors, première étrangeté. La partie dactylographiée, où le ministre annonce son intention de se suicider, est légèrement décalée par rapport au texte qui suit. Comme si elle avait été tapée après coup. C'est en tout cas l'impression que ça donne. Et justement, en tout début de soirée, alors qu'on est sans nouvelles du ministre, Madame Boulin a surpris l'un de ses proches assis au bureau de son mari devant sa machine à écrire. Mais ne savait pas qu'il était là ? Non, mais on pouvait facilement pénétrer dans l'appartement par la porte de service qui était cassée. Donc, elle ne s'est pas vraiment étonnée, elle a pensé que cet homme remplissait une mission pour son mari. N'empêche que c'est curieux, hein ? Oui, je suis d'accord avec vous. Autre chose. On retrouvera dans la corbeille à papier des brouillons de lettres sur l'intention de Boulin de se suicider. Or, la corbeille était vide le matin. Mais est-ce que le ministre est revenu chez lui dans la journée, hein ? Brièvement, oui, avant de prendre la route de Rambouillet dans sa propre voiture. Oui, sans chauffeur, donc. Et surtout sans garde du corps. Quoi qu'il en soit, il n'aurait pas eu le temps de taper ses lettres et ses brouillons. Encore une bizarrerie. Boulin a posté des lettres dans l'après-midi. Des lettres relativement épaisses, d'après le postier. Une anecdote en passant à propos de ce postier. Quand le juge d'instruction a voulu l'entendre à la demande de la famille, il lui a été répondu que ce fonctionnaire ne se trouvait plus en métropole. Il y a des vrais ? Non, complètement faux. Il n'a jamais quitté le sol métropolitain. C'est en particulier ce qu'a découvert votre confrère, Colomba. On ne voulait donc pas qu'il soit entendu, ce postier. Ça me paraît clair. Alors, revenons à ces lettres postées par le ministre. Leur poids ne correspond pas à celui des lettres de quatre feuillets où Boulin annonce son suicide. Et puis, et j'en terminerai avec cette histoire de lettres, on a appris beaucoup plus tard que la secrétaire du ministre et son garde du corps avaient l'habitude d'imiter l'écriture et même la signature de leur patron. Avec son autorisation ? Naturellement. Ah ouais. Donc vous laissez entendre que ces lettres étaient des faux, hein ? Parfaitement. Et les autres lettres, alors, postées par Boulin lui-même ? Eh bien, elles ont disparu. Mais comment ? Rien de plus simple. Dans les services secrets, nous avions une équipe chargée de procéder à ce genre de travail. Quoi, l'interception de la correspondance? Évidemment. Alors, il n'est pas exclu que ces procédés barbouzards aient été connus de quelques officines comme le SAC. Encore le SAC. Que voulez-vous? On ne prête qu'aux riches. Quoi qu'il en soit, il suffit de posséder les bonnes clés. Les clés de la poste. Bien entendu. Ouais. Et vous avez une idée de ce que contenaient ces lettres qui ont disparu? Des lettres épaisses, avez-vous dit? Certaines, hein, en tout cas. Et c'est pourquoi elles ont retenu l'attention de ce postier. Parce qu'elle n'était pas affranchie au bon tarif. Et puis les enveloppes portaient toute la mention ministère du Travail et de la Participation. Et ça aussi, ça lui a paru curieux. Parce que d'habitude, ce genre de courrier est directement envoyé par le ministère. Mmh. Mais sur le contenu, vous ne m'avez pas répondu, hein? On ne peut qu'émettre des suppositions, puisque ces lettres ont disparu. Alors, essayons quand même. À mon avis, dans ces courriers, vraisemblablement adressés à des journaux ou à quelques personnalités bien placées, Robert Boulin devait dénoncer la manipulation dont il était victime. Et sans doute donnait-il même les noms des manipulateurs. Ah, ceux qui prétendaient aussi devenir Premier ministre. Pas seulement. C'était à la machine RPR que Boulin s'attaquait. Et donc également à son bras armé, le SAC. Il ne faut pas oublier qu'Henri Tournet, l'homme qui s'est débrouillé pour compromettre Boulin... Et même l'escroquer. Hein. Tout à fait. Donc ce Tournet est un grand ami de Jacques Foccart. Ah, et Foccart, l'un des créateurs du SAC. Oui, les deux hommes se sont connus dans la Résistance. Mais sous l'occupation, ils ont aussi fait des affaires ensemble. Ils ont par exemple vendu du bois à l'organisation Todd. Oui. L'organisation nazie qui en particulier construit le mur de l'Atlantique. Alors, les deux hommes étaient donc très très proches. Hein. Incontestablement. Alors de là à penser que Tournet a agi à l'instigation de son grand ami Foccart, il n'y a pas loin. Oui, mais là vous extrapolez. Je l'admets. Quoi qu'il en soit, il est patent que Tournet, malgré une douteuse réputation d'affairiste, était très introduit dans les milieux gaullistes. Alors maintenant, prenons un peu de recul et essayons de reconstituer le scénario. Il y a d'abord cette affaire immobilière. Oui, le terrain de Ramatuelle. Hein. Une affaire compliquée dans laquelle l'honnête Robert Boulin s'est fait rouler dans la farine. Une affaire déjà ancienne, mais qui sort opportunément dans la presse au cours de l'été 1979. C'est-à-dire un moment où, dit-on, Giscard d'Estaing songe à changer de Premier ministre. Hein. Boulin est manifestement affecté. Mais il comprend tout de suite d'où vient le coup. Qui? Parce que vous ne donnez jamais de nom. Alain Perfit, le garde des Sceaux, était par exemple un candidat possible. Mais poursuivons. Boulin, qui a le cuir dur et une longue carrière politique derrière lui, est décidé à se battre, bec et ongle, et même à attaquer s'il le faut. Pourquoi? Parce qu'il a la conscience tranquille. Ce qui ne l'empêche pas de prendre l'affaire très au sérieux. En témoigne une lettre qu'il adresse à sa fille Fabienne en septembre 1979. Quelques semaines avant sa mort, donc. Et c'est une sorte de testament. Ou après avoir donné quelques indications sur son patrimoine, il recommande à sa fille, s'il devait lui arriver un accident, de venir dormir dans la salle à manger pour protéger sa mère. Ah, il craint donc quelque chose, là. Ça me semble évident, et c'est très troublant. Et à votre avis, c'est donc qu'il avait reçu des menaces? C'est vraisemblable. Il n'y a qu'une explication. Boulin avait déjà fait savoir qu'il était prêt à passer à l'offensive si on continuait à lui chercher des poux dans la tête. Alors, ça, oui, c'est ces munitions que vous avez déjà évoquées. Oui, oui, hein. Oui. Alors, il est peut-être temps, là, d'être plus précis. Volontiers. Robert Boulin avait été ministre presque sans interruption depuis que le général de Gaulle lui avait confié, en 1961, le secrétariat d'État aux rapatriés. Il n'a pourtant pas fait partie du gouvernement Chirac entre 1974 et 76. Hein. Parce qu'il était notoire que les deux hommes ne s'aimaient pas. À cause du choix de Chirac en faveur de Giscard d'Estaing. Hein, contre Chaban-Delmas. Ouais. En tout cas, au cours de cette longue carrière ministérielle, Boulin a occupé de très hautes fonctions. En 77-78, il est par exemple ministre délégué à l'économie et aux finances. Un poste où l'on est susceptible de surprendre pas mal de secrets. Sur les pots de vin distribués à l'occasion des grands marchés à l'exportation, ou encore sur le financement des partis politiques. Et ça, c'était ses munitions. Je le pense. Boulin, homme d'ordre et qui détestait ces pratiques répréhensibles, avait, faute de pouvoir les empêcher, accumulé pas mal d'informations. Il en avait d'ailleurs parlé à son fils Bertrand. Et le jour même de sa mort, ses collaborateurs l'ont vu sortir de son coffre du ministère plusieurs gros dossiers. Et il les emportait. Par contre, ce que l'on ne sait pas clairement, c'est s'il les a emportés avec lui lorsqu'il est allé dans la forêt de Rambouillet, ou s'il les a laissés à son domicile. En tout cas, ce qui est probable, c'est que lors de ce mystérieux rendez-vous, il a été question de ces dossiers, et que les hommes qu'il a rencontrés voulaient absolument les récupérer. Alors, ces hommes-là, qui étaient-ils? Je suis persuadé que c'était des gros bras du SAC. Mais peut-être y avait-il aussi des politiques. Ce qui m'a frappé, voyez-vous, c'est la mort, quelques mois après celle de Boulin, d'un député du RPR, Charles Bignon. Responsable de la commission RPR des conflits, ce politique a trouvé la mort dans un bizarre accident de la route. À tel point que les employés de l'autoroute qui sont intervenus ont été priés de ne donner aucune information à la presse. Et puis il y aura aussi l'accident mortel de l'homme chargé de l'Afrique à l'Élysée. Et qui a succédé à Focard, hein, René Journiac. C'est ça, tué dans un accident d'avion alors qu'il se rendait au Gabon. Et voyez-vous, dans toute cette affaire, je sens une forte odeur gabonaise. C'est par le Gabon et la société Elf que passait le financement du RPR. Et tenez, encore une coïncidence, l'ami de Boulin, celui qui a utilisé sa machine à écrire le jour de sa mort, était administrateur d'une banque gabonaise très influente. En outre, mais ça vous le savez déjà, les milieux français du Gabon étaient truffés d'agents de notre SDEC. Et donc, sans doute aussi de gens plus ou moins liés au SAC. Évidemment. Et puis, mais je n'ai plus guère de temps, il faudrait aussi parler des cambriolages qui ont suivi la mort de Boulin. Exactement comme si les tueurs n'avaient pas réussi à trouver tous les dossiers du ministre. Dernier point alors, la cause de la mort. Ça m'a intrigué naturellement. Alors, je me demande si la disparition du pharynx, du larynx et de la langue n'avait pas pour but d'effacer une mort par étranglement. Je vous rappelle le titre du livre enquête de Benoît Colomba, publié par Fayard, Un homme à abattre. Un ouvrage où le grand reporter de France Inter s'interroge en particulier sur un aspect de l'affaire qui n'a encore jamais été élucidé. Pourquoi, dans la nuit qui a suivi la mort du ministre, de hauts personnages de la République, comme le Premier ministre Raymond Barre, ont-ils été informés dès 3h du matin du suicide de Robert Boulin, alors qu'officiellement, les gendarmes n'ont découvert son corps qu'à 8h du matin? Et pourquoi des riverains ont-ils noté cette nuit-là d'étranges allées et venues dans les environs de l'étang de Rambouillet?